Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les années 60 en musique. En 1960, il y a eu vraiment une transformation parce que il y a eu l'arrivée de ce qu'on a appelé le yéyé. Il faut bien le dire, en quelques jours, il y a 5000 artistes qui ont disparu et qui ont laissé la place à 30 000 autres qui espéraient et sur lesquels il en reste 3 maintenant d'ailleurs. Mais ça a été une vague, vous comprenez, ça n'a pas été un artiste qui est arrivé, ça a été une vague. La vague yéyé emportera presque tout sur son passage. Pendant quelques années, dans les années 60, en France et au Québec, comme le rappelle Bruno Cocatrix, le directeur de l'Olympia de Paris de 54 à 79, dans cette entrevue qui date de 1972, juste après la fin du yéyé. Les années 60 en musique, ce sera aussi un festival devenu mythique, le festival de Woodstock, avec l'intéressante question de savoir ce qui appartient justement au mythe et à la réalité quand on parle de Woodstock. Et puis les années 60 en musique, c'est aussi, et peut-être surtout, les Beatles. Les Beatles et un disque en particulier, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lancé en 1967. Françoise Hardy chantant en 1962 « Tous les garçons et les filles », chanson emblématique des années 60. Françoise Hardy, d'ailleurs, qui sera associée à cette vague yéyé dont on va parler dans cette émission. Pour revivre les années 60 en musique, mes invités sont la journaliste Marie-Christine Blais, habituée de l'émission. Marie-Christine, bonjour. Bonjour. L'autre Marie-Christine, la directrice des communications et relations de presse pour la compagnie L'Arrivée, Cabot Champagne et les 10 de la tribu, Marie-Christine Champagne, qui est aussi la femme derrière les soirées C'est extra. Oui. Bonjour. Bonjour. Et puis Gilles Valiquette, auteur, compositeur, interprète, également auteur de cette brique « C'est fou, mais c'est tout », parcours discographique des Beatles au Canada, publié aux éditions de l'Homme en 2014. Gilles Valiquette, bonjour. Oui, bonjour. Premier tour de piste avec vous trois. On entendait Françoise Hardy. Ça, c'est vraiment... Il y a des chansons comme ça qui sont vraiment tout de suite. On entend 3 notes, puis on est exactement à l'époque dans laquelle a été produite cette chanson, les années 60. Ça vous dit quoi, vous? Quand on vous parle des années 60, qu'est-ce qui se spontanément, vous vient tout de suite en tête, Marie-Christine Blais. Moi, j'étais une enfant. Ouais. Alors, ce qui me vient en tête, c'est mes parents écoutant de la musique comme Françoise Hardy ou des gens, les groupes, et ma mère en mini-jupe. Ah, la mini-jupe. Ouais. Gilles Valiquette. Moi, j'étais ado dans les années 60, puis pour moi, les années 60, c'est une décennie d'optimisme. Oui. Je sais pas, il me semble que tout était possible pour nous dans les années 60. C'est drôle parce que aujourd'hui, quand je regarde des émissions qui me parlent de ces années-là, on nous rend compte de toutes sortes de problèmes sociaux. On n'a rien vu de ça. Moi, j'ai rien vu de ça. Ça se passe. On était vraiment là. Qu'est-ce que je prenais? Ça, c'est une autre question. Mais tout ça pour dire qu'il n'y avait rien pour nous arrêter dans les années 60. Oui, vous étiez au bon moment, au bon endroit, au bon moment, en fait. Oui, absolument. Puis si on rajoute la dimension musicale des choses, c'était la plus belle période, à mon avis, pour apprendre à apprécier la chanson, puis qui a amené à la toute fin la plus belle période chez nous pour être un intervenant dans le domaine de la musique. Et ça, ben, vous allez faire un bon petit bout de chemin là-dessus, hein, ça c'est certain. Marie-Christine Champagne? Ben, moi, je peux pas être nostalgique de cette période, étant donné que je suis née plutôt à la fin des années 60. Mais quand j'ai découvert ça, ce que je dirais, c'est aussi une énergie, les années 60. Donc, puis moi, quand j'écoute ces chansons-là, plutôt, j'aime bien quand on parle d'amour, quand on est insouciant. Cette légèreté-là, elle me plaît beaucoup aussi. L'insouciance, c'est là. Vous parliez d'optimisme, Gilles Valiquette, mais c'est vrai qu'il y a ça. Hein. Tout est possible. Mais c'est l'après-guerre. Ouais. La guerre est vraiment finie. Le plan Marshall va bientôt se terminer en Europe. La guerre commence à disparaître des esprits et Les Beatles, c'est des enfants qui sont nés pendant la guerre, les membres des Beatles. On a tendance à oublier. Alors, quand ça va bien, là, les morts sont enterrés, on peut chanter. Parle des Beatles, oui, Gilles Velquet. J'allais dire, on voit des jeunes partout, hein. Ouais. Alors, c'est vraiment là, la génération des boomers là, qui commence à prendre forme. Ouais. Puis il y a cette croyance en nous que on ne sait pas ce qui va arriver, mais ça va être mieux que ce que la génération précédente ouais. a fait. Ouais, ce qui est déjà énorme. Ouais. Et puis cette stimulation donc dans nos oreilles. Cette effervescence là. Ouais, avec entre autres les Beatles. Regarde historiquement, là, ce qui s'est passé, c'est que la musique rock, d'abord d'Elvis et tout ça, de Billy Lee, et ensuite l'invasion britannique menée par les Beatles, était tout à fait condamnée par ce que je vais appeler l'establishment, et surtout le milieu intellectuel. Et avec Sgt. Pepper's, je pense que la musique a obtenu ses premiers... La musique pop, je parle, a obtenu ses lettres de noblesse. Et les intellectuels de l'époque ont commencé à s'y intéresser et à penser que c'était plus que simplement du fast-food, quoi. Et ça a été le début aussi, en même temps, de toute une époque, une révolution sociale, sexuelle, avec le mouvement hippie qu'on a appelé le Flower Power. Ça a été vraiment le coup d'envoi aussi, comme symbolique, en tout cas. Le producteur de musique Pierre Marchand, qui parle des Beatles à l'émission des Hôtels en juin 2007, s'il y avait eu un seul sujet à choisir pour parler des années 60 en musique, ça aurait été évidemment les Beatles. Oui. Mais Gilles Valiquette, c'est intéressant ce que Marchand dit. Il y a les Beatles, ça a duré 8 ans, les 4 premières années, et il y a ce tournant. Lui dit c'est le disque qui va un petit peu leur donner leur lettre de noblesse. Mais Sgt. Pepper's, qu'est-ce que ça représente pour les Beatles, mais d'abord pour nous tous, l'importance, c'est quoi l'importance de ce disque-là? Ben moi, je dirais que, premièrement, il y a une question de contexte dans tout ça. Dans les années 60, on peut quasiment cerner l'âge d'or des boomers là, avec l'arrivée des Beatles en 64, ouais. puis avec le festival de Woodstock en 69. Ouais. Sgt. Pepper's arrive en plein milieu de ça, puis c'est le point culminant de toute cette période-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1966, cette année-là, on peut quasiment la qualifier l'âge d'or du 45 tours. Tu sais, faut savoir que c'était le 45 tours qui était la locomotive des carrières d'interprètes à cette époque-là. Puis cette année-là, en 66, on s'est retrouvé avec peut-être le plus grand nombre de bons chanteurs qu'on avait vus avant. On s'est retrouvé également avec peut-être les plus belles chansons dans leur ensemble qu'on avait vues auparavant. Et là, et pour la première fois, on a commencé à valoriser le travail en studio. Alors quand les Beatles arrivent en 66, puis ils décident de ne plus donner de spectacle. Puis il faut savoir qu'à cette époque-là, là, si tu ne donnes pas de spectacle, c'est fini, on déchire ton contrat de disque. Oui. Mais là, la maison de disque a dit non, c'est correct, les gars, vous pouvez rester, on comprend. Il faut dire, Gilles Valiquette, ils sont, passez-moi l'expression, ils sont écœurés. La Beatlemania, les petites filles qui crient, ils s'entendent même plus jouer. Ouais. C'est ça, là. Oui, puis il n'y a pas juste ça. Ils ont passé de l'adolescence au mode adulte. Ouais. Là, ils ont d'autres intérêts. Ouais. Alors c'est facile à comprendre. Mais ils ont joué le jeu. Puis finalement, vu qu'ils ont été enfermés dans les salles d'un studio sans limite, ce qui est arrivé, c'est que le studio est devenu un instrument. Au lieu d'être une caméra, un genre de Polaroid, là, si je peux utiliser l'expression, qui donne une idée de ce qu'un groupe a de l'air quand il performe, là, c'est plus pareil. Là on a un outil qui nous sert autant qu'une guitare ou qu'un piano. Oui. 129 jours, 700 heures. C'est ça, là, la production de Sgt. Pepper's. À l'époque, on avait dit 100 000 $ pour un disque. Puis, tu sais, faut savoir qu'à cette époque-là, là, un album, ça se fait en 6 heures. Oui. Je veux dire, une session normale, c'est 3 trois heures. Puis il y a des deux grands sessions, albums. Je pense à la fin des années 50, au jazz, Miles Davis. Ça se fait aussi en claquant des doigts. Là. Ça fait de grands albums, mais là, on est dans autre chose complètement. Dans laboratoire. Ouais. Un laboratoire. Oui, voilà. J'aime cette expression. Puis l'autre chose que je dirais aussi, c'est qu'on ne s'est pas préoccupé d'avoir ce qu'on appelait un succès en 45 tours. Parce qu'avant, on ne laissait pas un artiste faire un album s'il n'y avait pas eu au moins deux succès en 45 tours. On voyait l'album comme un produit dérivé, un peu comme on voit un T-shirt aujourd'hui. On compilait les 45 tours. Exactement. Puis c'était les locomotives pour pouvoir vendre ce produit dérivé-là. Ben, non seulement il n'y en avait pas, mais on a même choisi de ne jamais en sortir. Puis là, ça nous amène au fait qu'avec Sgt. Pepper, on a vécu des expériences, je dirais, quasiment religieuses. Parce que quand tu achètes... Premièrement, tu ne peux pas vivre si tu n'as pas l'album. On part de là. Là, tu te procures l'album, t'amènes ça chez vous. Ben là, tu fais le ménage, tu fermes le téléphone. Puis là, on se perd dans l'univers de ces artistes-là. On écoute le disque d'un bout à l'autre. Oui, religieusement. Ouais. Puis les Beatles n'ont jamais déçu à ce niveau-là. Ouais. Ça me fait rire beaucoup aujourd'hui quand on dit « Ah, il y a juste une bonne chanson sur l'album. » Mais la question, c'est est-ce qu'on est capable encore aujourd'hui de s'oublier pendant 45 minutes dans l'univers d'un artiste? Pas sûr. Mais même à l'époque, Gilles Valiquette, vous le dites, mais c'est nouveau, là. Ce qu'on a l'habitude de consommer, c'est du 45 tours, un après l'autre. Là, il y a une proposition nouvelle, un disque, concept, avec un ordre à suivre, puis ça marche. L'album, l'objet, remplace le 45 tours. Oui, puis une pochette qui n'est pas une annonce pour autre chose. Oui. Je veux dire, il y avait un concept derrière la pochette aussi, puis on a essayé de comprendre ce que ça voulait dire. Des heures à regarder cette pochette. Des heures à regarder la pochette. Incroyable. On en rit, mais c'est vrai que c'était une pochette. Non, mais il y avait un univers complet. Là. Choisir les photos qu'il y a sur cette pochette des personnages historiques, ça a été... Déjà là, il y a une émission à faire. Oui. Bon, il y a une prise de risque là-dedans, de l'industrie. Ça m'amène à George Martin. Est-ce que c'est pas le cinquième Beatles? Disque-là, c'est pas celui qui nous révèle le cinquième Beatles? Ben, c'est définitivement le cinquième Beatles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Beatles, ils n'étaient pas des musiciens éduqués comme tels. Alors, quand ils parlaient à leur équipe, ils parlaient en impression. Ils entendaient du jaune, ils voyaient la guerre. Alors, il fallait quelqu'un pour traduire ces impressions-là en son. Ouais. Puis, tu sais, l'histoire des Beatles, c'est un peu ça, dans le sens que quand tu regardes l'équipe qui a été rassemblée au fil des ans, les planètes se sont enlignées pour eux autres là, d'une façon qu'on n'a jamais vue auparavant, ni depuis. Ça fait que il n'aurait pas pu trouver un meilleur gars que George Martin pour faire le travail. Ouais. Puis, encore aujourd'hui, on l'apprécie hautement. Vous parliez du fait que on l'attendait, ce disque-là. Ils font plus de concerts. On sait qu'ils sont en train de préparer un disque. Ça prend un an, cette affaire-là, ou à peu près. Il est très, très attendu. Écoutez un extrait de l'émission animée par Marie-France Bazot. Elle reçoit le journaliste Gilles Goujon qui raconte donc une anecdote concernant la sortie de Sgt. Pepper's en lien avec l'Expo 67. Cette entrevue-là, elle date de 1997. Il y a eu un événement majeur qui est arrivé au pavillon de la jeunesse. C'est que on a un copain qui est maintenant journaliste à la presse qui s'appelle Bruno Dosti et qui travaillait avec nous et qui avait un copain qui travaillait pour British Airways, il travaillait sur les avions. Et on a su que les Beatles sortaient un nouveau disque qui s'appelait le Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Et on a dit, on veut le disque. Alors, il a demandé à son copain, mets la main sur le disque à Londres. Le matin même de sa sortie à Londres, ce gars-là a pris le disque, l'a rapporté en avion. L'après-midi, on est allé chercher à Dorval, parce que Mirabel n'existait pas à l'époque. Et on a dit à tout le monde, venez écouter le disque, le nouveau disque des Beatles. Nous étions les premiers en Amérique du Nord à mettre la main sur ce disque. En Amérique du Nord? Oui. Personne ne l'avait. Nous, on l'avait. On l'a fait. Et là, on est 30 ans en arrière. Là. Je veux dire, c'est plus simultané dans toutes les radios en même temps. Non. C'est à la main le disque acheté dans le magasin, écoutez, mis dans l'avion. Les gens ont su, on l'a annoncé partout. À midi, il y avait déjà 3 à 4 000 personnes rassemblées dans le petit agora extérieur qui attendaient l'arrivée du disque comme, je sais pas moi, des chrétiens voient l'arrivée du pape. Là. Et vers 3h30, 4h, le disque arrive. Et j'ai le gramophone dans mon bureau, puis il faut que je le fasse jouer. Là. Alors, je mets le disque là. Regardez, on va le faire jouer, Gilles. Présentez-le. Allons-y. OK, on est en 1967. On est en 67 et surtout, les gens attendent Lucy in the Sky with Diamonds parce qu'on a dit que cette chanson, elle était interdite parce que LSD, Lucy in the Sky with Diamonds, ça voudrait dire la drogue LSD. Oui, oui, oui. Et là, on fait jouer cette toune et il y a 4000 personnes silencieuses qui disent « Wow! » On est dans... C'est vintage, ce qu'on vient d'entendre. Gilles Goujon qui nous... Hey, ça part. On appelle notre copain qui prend l'avion, qui est ça. Enfin, mais c'est la folie, Gilles Valiquette. Le disque est attendu. Ils sont... C'est des dieux, à ce moment-là, les Beatles. Oh, absolument. C'est les porte-parole de toute une génération. Mm. Puis ce qui est fascinant dans le cas des Beatles, c'est que... c'est rare que tu vas voir des artistes garder un contact si étroit avec leur public pendant si longtemps. À un moment donné, oui, on les choisit, mais souvent, leur nouvelle réalisation ne colle pas avec nos attentes. Oui. Mais ça n'a jamais été le cas avec les Beatles. Puis Dieu sait s'il y a un monde entre Love Me Do et Sgt. Pepper's dans la période de 5 ans. Tu sais que je pensais, quand j'étais petite, okay, qu'il y avait deux groupes qui s'appelaient les Beatles. C'est pas vrai. Ouais, hein? Ben, celui qui faisait I Wanna Hold Your Hand. Ouais, ouais. Je défendais ça. Non, il y en a deux. Oui. Mais c'est pas con, parce qu'effectivement, c'est quoi, 62, 66 la première période, 66, 70 la deuxième, à peu près? Oui, oui. Ben, en Amérique, c'est 64 à 67. Oui. Les années 60, ça appartient. C'est les années des Beatles, non? Gilles Valiquette. Ben, ils étaient les chefs de file. Ouais. Mais on les aurait pas considérés autant s'il n'y avait pas eu tous les autres groupes et toutes les autres chansons qui suivaient. Yeah. Non, en fait, leur génie, c'est d'être tellement synchro. Il était toujours un petit peu en avant de tout le monde, mais pas trop en avant. Ouais. Puis, il dictait les courants, mais c'est pas nécessairement eux autres qui les exploitaient. Ils étaient rendus ailleurs pendant que d'autres groupes... Alors, c'est ça qui a amplifié énormément l'offre artistique de l'époque. Puis aujourd'hui, on regarde ça de façon nostalgique. En tout cas, ils ont influencé, marqué énormément de gens et de genre. Transition des Beatles... Oh yé yé, il n'y a qu'un pas à franchir et que nous franchirons allègrement. Bouchez-vous les oreilles? Non, mais en tout cas, mettons qu'on est ailleurs. C'est le yé yé, c'est la traduction de tout ce qui marche en anglais aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Et c'est cette chanson des Beatles traduite et chantée par Tony Roman. Moi je l'ai revue, elle a tout pardonné, car elle t'aime, elle m'en a fait l'aveu. Oui elle t'aime, tu peux te compter chanceux. C'est Marie-Christine Champagne qui va nous parler du yéyé, mais je peux pas quand ça même. Ça commence en force. Je peux pas quand même m'empêcher de demander à Gilles Valiquette, amoureux des Beatles par-dessus tout, ça vous fait mal ou vous dites non, il y a quelque chose quand même là-dedans? Ben, il y a une petite histoire à raconter avec ce qu'on vient d'entendre. Oui. Hein? Dire, quand les Beatles sont arrivés en février 64 sur Ed Sullivan, tout le monde les a vus. Tony Roman, qui calcule vite en haut, a vu qu'il y avait une occasion là, de faire quelque chose d'intéressant. Oui. Alors, il a appelé ses amis les Baronets. Ils sont entrés dans le studio. Dans ce temps-là, on faisait, dans une session de 3 heures, on faisait au moins 3 chansons. Ouais. Alors, les 3 chansons qu'ils ont fait, ils ont fait celle-là qu'on vient d'entendre, chez Lovey en français, mais ils ont aussi fait C'est fou, mais c'est tout, ouais. Ah, oui. Qui est Hold Me Tight en français. Puis ils ont fait aussi I Want to Be Your Man en français, ou Je veux être à toi. Ouais. À toi. Là, ils pensaient que c'était pour être cette dernière chanson-là qui était pour être le gros hit là, pour les Baronets. Finalement, c'était la phase B, C'est fou, mais c'est tout, qui était le premier numéro 1 d'une version québécoise, une chanson des Beatles. Huh. Puis, la fameuse chanson qu'on vient d'entendre, on pouvait pas la sortir immédiatement parce que Tony avait un autre 45 tours qui sortait. Alors, il a fallu attendre 2-3 mois, puis il a manqué le bateau avec ça. Ça n'a même pas fait les palmes. Mais en 64, vous parliez des Baronets. Ouais. Ils en ont enregistré 9 titres de Beatles en français. Donc, c'est sûr que Il y a un filon là. Comme... Puis les années yéyé, ça va être ça. Oui, ça va être une machine reprises, à faire du fric. Donc, les jeunes artistes. Puis des reprises. Ouais. Oui, exactement, les jeunes artistes. artistes. Excuse-moi, tu sais que quand les Beatles sont venus à Montréal, puis les Baronets ont été les voir dans leur loge, on me dit, moi, que René Angélil, ou moi, j'imagine que c'est le gérant, Ben Kay, a été dire aux Beatles, et vous autres, vous êtes les Beatles, mais nous autres, on est les Beatles du Québec. Ah, c'est sûr! Mais donc, c'est ça, l'époque. En France, c'est pareil. On reprend beaucoup de versions anglaises. Tous ces grands succès-là américains, anglais, il y a plusieurs qui vont décrier ce qu'on appelait des versions édulcorées là, de ces grandes chansons. Mais en fait, c'est vraiment les premières tentatives de faire du rock'n'roll en français, ici au Québec, tout comme en France. Oui. Donc, puis c'est pas si facile peut-être de faire sonner le rock et le français, je dirais. À l'époque. Donc, il y a plusieurs chansons phares de l'époque yéyé qui sont des reprises. On pense aussi à Do Wadidi, toujours de Tony Roman, Splish Splash de César et les Romains, le Yaya de Joël Denis, Fume Fume Fume des Excentriques, qui est Fun, Fun, Fun des Beach Boys. Mais ici, comme en France, moi, j'ai envie de dire, il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi, durant cette période, des petites perles de chansons originales. Oui. Un groupe comme les Classels, par exemple, leurs chansons sont presque toutes inédites. Et qui marchent très, très fort. On parle des Beatles, qui sont aussi populaires que les Beatles au Québec. Absolument, oui. Dans les grandes années Beatles, les Classels sont là, puis ils vendent beaucoup de disques. Je pense à une chanson comme Blue Jeans sur la plage, 65, avec les Houlopes. Ça, c'est merveilleux. C'est une chanson originale de Claude Domingue et de Louise Rousseau. Je pense à Caro, la jeune auteure, compositeur, interprète, qui a fait des petits bijoux aussi dans les années 60. Les Lutins qui ont créé des titres mythiques, cultes là, de cette époque yéyé. Alors, creusons un peu pour comprendre à quoi on a affaire. Effectivement, pas que des reprises de succès en anglais qu'on adapte en français. Qu'est-ce que c'est les yéyés? Qu'est-ce qui caractérise cette musique-là? Serge Bélair, qui en parle au micro de René Mirois en juillet 2009. C'est la tenue rêvée de Saint-Tropez. On peut le définir de 53 000 façons. D'abord, à partir du nom, il vient d'où, le yéyé? Oui, voilà. Bon, il y a 53 acceptions, plus ou moins justes, de d'où c'est venu. Il y en a qui disent que c'est venu de la fameuse chanson des Beatles et des ya-ya-ya qu'on entendait un petit peu partout dans les chansons. Il y a le yéyé en France et il y a le yéyé ici. Ouais. Nous, on a fait suivre que le courant français, finalement. Mais nous, on s'est dit, bon, ben maintenant, on va mettre moins de versions en ondes et on va faire nos propres chansons à nous, puis tous les orchestres de danse qui étaient là, qui n'avaient rien à faire et qui avaient quelqu'un qui pouvait chanter. C'était ça, yéyé. Mais c'était des chansons de vacances. Ouais. C'était des chansons de perpétuel bonheur. Jeunesse aussi. Voilà, de jeunesse, de soleil, that's it, 12 mois par année. Chanson de vacances, de perpétuel bonheur, de jeunesse, de soleil. Il y a plus d'hiver avec les yéyés. C'est magnifique, mais Christine Champagne. On veut retourner là-bas. Mais comment on peut la définir, cette musique-là? Ben, c'est une musique par les jeunes, pour les jeunes. Ouais. Donc, les artistes yéyés, ils ont le même âge que leur public. Ce sont des adolescents. C'est les enfants nés... Après l'après-guerre de 1939-1945. Donc, c'est aussi une époque où l'influence du clergé est en déclin. Mm-hmm. Il faut se rappeler qu'en 1957, le clergé empêche la venue de Elvis Presley au Québec. Là, on était là, là. Donc, c'est... Et de fait, le yéyé, ça commence quand? À la fin des années 50, début 60? Bien là, peut-être que Gilles Valiquette pourrait le dire mieux que moi, mais il y a peut-être l'élément déclencheur avec le twist de Chubby Checkers. Le twist, effectivement, qui est un peu l'ancêtre du yéyé, la danse. D'ailleurs, la danse yéyé, ça va être le contact très proche entre hommes et femmes proches, mais pas de façon formelle, comme par exemple la valse, et des choses comme ça. Là. Il y a une expression là-dedans. Ouais, Gilles Valiquette. Pour quelqu'un qui était là... Argument d'autorité. Ça arrive au moins une fois par émission avec Gilles Valiquette. Non, mais pour moi, je pense qu'il y a un élément qui est essentiel quand on définit le yéyé, c'est que c'est un courant français. Au départ. Parce qu'on peut dire que depuis 57, en tout cas, il y a toujours eu un parallèle assez étroit entre les courants de musique pop, je dirais, anglophone et ce qui s'est passé au Québec. L'exception, bien entendu, c'est la période yéyé qui prend sa force, à mon avis, avant que les Beatles arrivent. Ah bon? Ah oui. Nous, on l'a continué parce qu'on mélange l'anglais puis le français au Québec. Ouais. Alors oui, avec les Beatles qui chantaient yéyé dans plusieurs de leurs premières chansons, alors c'est facile de... d'extrapoler puis de transposer c'est comme sûr. Tel. Cette jeunesse-là, elle est française, elle est québécoise, puis elle a envie de s'amuser, elle a envie de faire quelque chose de différent. Donc, les parents, ils se sont, comment dire, là, ils s'ennuient, là. Ils ont envie de musique aussi, beaucoup. Puis, cette musique-là, elle est partout, là. Donc, on a notre petit radio-transistor, on a notre pick-up sur lequel on fait jouer nos 45 tours. C'est le plaisir, c'est la légèreté. C'est le plaisir, puis c'est une époque de divertissement. Ouais. Donc, la musique, elle est partout, elle est dans les orchestres, mais elle est aussi dans les jukebox. On ne se prend pas la tête avec le yéyé. Du coin, on entend, oui, on entend la musique partout. Ouais. Elle a absolument raison. Ce que je remarque aujourd'hui, c'est que les chansons qui étaient populaires, qui étaient sur les palmarès, étaient vraiment celles que les gens achetaient, écoutaient à la maison, dans les jukebox, partout. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, les auditoires sont très fragmentés. Ouais. Quand on suivait les courants anglophones, on achetait un magazine qui s'appelait le Billboard. Ça avait le top 100. Oui. Hein, puis là, c'était vraiment ce qui était populaire à travers le monde. Mais aujourd'hui, si tu achètes le Billboard, il y a 53 palmarès. Oui, ouais, c'est ça. Elle est plus éduquée. Elle a un petit peu d'argent de poche parce qu'ils travaillent quelques heures par semaine. Donc, ils sont là pour se divertir, mais ils ont un peu d'argent pour acheter les 45 tours. Puis là, il faut quand même parler vous parliez de la France, mais il y a en France une émission très importante qui s'appelle Salut les copains. Et Salut les copains... Qui va participer à l'émergence. Oui, c'est une émission radiophonique phare qui... Il y a une date importante, je dirais, qui est juin 63, où là... pour célébrer le premier anniversaire du magazine Salut les copains, qui est un dérivé de l'émission de radio. Là, les animateurs, qui sont Daniel Philippaki, Franck Thénault, ils lancent une invitation sur les ondes, mais toute simple. Venez tous samedi soir à 9h, place de la Nation. Et là, en tête d'affiche, on retrouve Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Eddie Mitchell, Richard Anthony, Daniel Gérard. On attend 30 000 participants. Il en vient. C'est une marée humaine, c'est 150 000, c'est peut-être 200 000 personnes à Place de la Nation 1963, à Paris. 1963, c'est fou. Donc, ça va même dégénérer, là, ça va chauffer, ça va barder, il va avoir un peu de casse. Puis, Edgar Morin, quelques jours après, le sociologue Edgar Morin, il prend la plume dans le journal Le Monde, puis c'est lui le premier qui va nommer ce mouvement, en fait, qui va les appeler les yéyés. C'est parti. Les yéyés sont nés. Vous en avez nommé des artistes qui sont Place de la Nation, mais si on avait en nommé quelques-uns, les grandes figures du yéyé en France et au Québec. Ben, Johnny Hallyday, c'est sûrement le chef des yéyés du côté de la France. Richard Anthony arrive, lui, il est un des premiers à traduire les succès anglophones en français. Sylvie Vartan, on entendait Jenny Rock, Tony Roman. Je pense que c'est deux figures importantes du yéyé au Québec. Mais en France, on ne peut pas passer à côté de Françoise Hardy. Non, Françoise Hardy, c'est vraiment. Parce que il y a des femmes. Moi, c'est ça qui me frappe du yéyé, c'est que les femmes surgissent. Il n'y en a pas tant que ça qui enregistrent. Auparavant, c'est plutôt des chanteurs qu'on a. Et là, arrivent tout d'un coup de jeunes femmes. Ouais. Elles sont en grand nombre. Elles font la mode. Comment elles s'habillent? C'est les féminijupes dont vous parlez, justement. Et là, Françoise Hardy est auteur-compositeur, en plus. Sylvie Vartan, qui n'a pas une grande voix, a une capacité d'expression qui est particulière. Et France Gall aussi, qu'il faut pas oublier, avec des belles chansons de Gainsbourg. J'en retiens trois de ces figures dont vous venez de parler. Johnny Hallyday, qui est la première que vous avez sortie d'emblée, Marie-Christine Champagne, Jenny Rock, Tony Roman. Écoutez-les, c'est intéressant. Ils ont participé, ils ont fait partie de cette vague yéyé. Écoutez ce qu'ils ont à dire... Quand on leur dit, vous n'étiez pas un peu yéyé? Moi, j'ai jamais fait partie du yéyé. C'est stupide à dire, parce que pour des gens qui ne connaissent pas ce que veut dire de la musique rhythm and blues, sitôt qu'il y a une batterie, c'est de la musique yéyé pour eux. Mais pour moi, yéyé, je n'étais pas tout à fait dans la musique yéyé, parce que c'est la musique qui est venue après moi, les yéyés. Oui, d'ailleurs, vous l'avez dit, le yéyé, c'est pas moi. Alors, qu'est-ce que c'est, vous? C'est chanteur de rock, quoi? J'ai commencé avec du rock, oui. Et puis, ensuite, je me suis basé beaucoup plus vers la musique rhythm and blues, comme on l'a fait à Harlem, par exemple. Moi, ce que je fais, j'appelle ça du funky et du rhythm and blues. Qu'est-ce que c'est? Je peux dire que je chante des chansons yéyé sur un beat de funky. J'étais avant autre chose, et puis yéyé, c'est une affaire qui est arrivée, que je sais pas où, trop où, c'est un étang que... Oui. Qu'on se soit à un moment donné sans la demander et puis sans savoir pourquoi. Et puis, Mais vous faisiez du yéyé de toute façon, vous avez Oui, c'est chanté. Parce que j'ai jamais compris, même dans le temps que je faisais du yéyé, ce que les gens voulaient dire par yéyé. Moi, ça fait à peu près depuis l'âge de 14-13 ans que je fais de la musique de rock and roll. Ben voilà, c'est dit, il n'y a jamais eu de yéyé. On a rêvé ça. Venant de, par exemple, Tony Roman, qui en 64 présente un disque qui s'appelle Monsieur Yéyé, ouais. Sur lequel il y a El Thème, là, qu'on a entendu au départ. Jenny Rock, qui remporte le trophée de la meilleure chanteuse yéyé au Festival du disque. Donc, ouais. Mais bon. Ça nous dit quoi? Il y a comme c'est un sous-genre musical. On est gêné d'avoir été yéyé. Ben, on dirait bien. Puis Johnny, ben, je sais que les Français, il y avait aussi, on s'appelait plutôt les rock'n'rollers. Là, que les yéyés. Mais moi, ce qui me plaît bien, c'est que les années ont permis un regard bienveillant pour cette époque musicale. Mm-hmm. Donc, on peut bien se dire que c'était peut-être qu'une seule pâle décalque là, du rock'n'roll anglais, mais avec le temps, on constate que c'est vraiment une période de transition puis qui a vraiment favorisé l'affranchissement des mentalités puis le bouillonnement d'une culture francophone. Mm-hmm. Donc, bien sûr, là, après ça, après avoir vécu ces grandes années-là, peut-être qu'un Tony Roman puis que là, il y a les années, mettons, en 66, mm-hmm. On découvre aussi les anti-yéyés. Oui, quelqu'un comme Antoine qui va sortir le disque, la chanson Les élucubrations d'Antoine, ouais. Où là, tout à coup, il fait passer un mauvais quart d'heure, ouais. À Johnny Hallyday. Donc, il y a aussi la transition des préoccupations de la jeunesse. Mm. On veut chanter autre chose, peut-être. Les messages. Johnny a découvert la Californie. Oui. Puis là, peut-être qu'il n'y a plus envie de s'associer, mm-hmm. à ce mouvement-là. Mais c'est vrai qu'il y a deux lignes de force, des femmes beaucoup, Marie-Christine Blais le disait, puis c'est français. Ça a été très fort dans quelques pays, le yéyé, mais en France et au Québec, beaucoup. En France, au Québec, un mouvement en Espagne qu'on appelait le yéyé, mais peut-être que c'était du yéyé. Et la dimension, oui, Gilles Valiquette. Ben moi, j'allais dire que je pense qu'on a toujours perdu notre temps à demander à des artistes dans quelle catégorie ils veulent être. Ils sont chanteurs. Voilà. Puis l'autre chose, c'est que les titres d'albums, à cette époque-là, souvent, c'est le producteur qui le choisit. Oui. Là, alors, ben, c'est lui va avoir quelque chose à la mode. Vous me voyez venir. On veut être à la mode, on veut en vendre rapidement. Parce qu'on termine sur cet aspect-là pour le bloc yéyé. Vous me voyez venir à plein, Gilles Valiquette. La musique de producteur, ça tourne à mort. Là. C'est un rythme de production infernal. On écoute Michel Richard en parler à Renaud Mierois en 2009. On faisait un disque à tous les 3 ou 4 mois. C'est beaucoup. Et puis, il y avait un album qui sortait de ça une fois par année. Mm. Je me souviens qu'une nuit, j'avais enregistré à la fin de la soirée. Et le lendemain soir, il passait à Jeunesse d'aujourd'hui. Passais à Jeunesse d'aujourd'hui avec la même chanson. Et le mardi après-midi, on avait déjà des disques en magasin. Ça... Écoutez, je veux dire, c'est une vitesse folle, là. Quand on se dérange, on nous crie bravo. C'est vraiment... Revenons, Marie-Christine Champagne, sur ce que disait Michel Richard. Évidemment, de la musique formatée, de la musique de producteur, de la musique d'industrie. En tout cas, oui, mais oui, la création de toute une nouvelle industrie du show business, ça c'est certain. Puis les 45 tours enregistrés à la radio. Puis la radio et la télé, on parlait de Salut les copains en France, Jeunesse d'aujourd'hui, ça, ça va être très présent. À Radio-Canada, ça commence même en 57, on propose le Club des autographes. Oui. Ça, c'est fait et produit pour les jeunes. Donc, il y a eu. C'est les premières émissions de variété musicale à la télé. Oui, puis où les gens viennent. Jeune populaire. Oui, puis on va chanter, puis on va danser dans ces émissions-là. Bien sûr que le Club des autographes, on est plus dans le son ballroom rock'n'roll. Ouais. Mais jeunesse d'aujourd'hui, là, on les voit, les mini-jupes, puis on les voit, les filles, danser le vieillé, bien sûr. Puis aussi le spectacle, parce que il y a des groupes, on en aurait compté comme 800 groupes à l'époque. Incroyable. Parce que il y avait des salles de danse partout, donc il y avait même des tournées. Michel Richard, elle raconte à un moment donné, c'est la caravane du yéyé qui débarque dans les villes. On fait la parade, on défile sur la rue principale l'après-midi. Parce qu'ils ont tous des costumes, en plus. On oublie de dire, mais ils ont soit les cheveux blancs, soit des gants noirs. Les groupes sont très originaux. Il y a quelque chose de très drôle. Donc, peut-être qu'ils sont pas dans le contenu toujours, mais il y a une espèce d'excellence. Centricité. De dérision aussi. Et de l'univers du spectacle, du divertissement là aussi. Là. Donc, si Johnny n'a jamais fait de yéyé, qu'on se le dise, le yéyé a bien existé. Vous aurez compris que ce n'est pas du yéyé. Jimi Hendrix, dernier volet de cette émission sur les années 60 en musique. Jimi Hendrix au Festival de Woodstock en août 1969. Ça donne le ton, Marie-Christine Blais. Oui. Pourquoi c'est mythique, le Festival de Woodstock? Il y en a eu plein. Pourquoi celui-là, c'est celui qu'on retient toujours? C'est la question, en tout cas, qui a vraiment motivé ma recherche, parce que en cherchant, je me rendais compte qu'il y avait, par exemple, les Trips Festivals dans les années 66, où le monde allait là prendre du LSD pour écouter de la musique, jusqu'à ce que le LSD soit banni et qu'on n'ait plus le droit d'en consommer librement. Pourquoi est-ce que ça n'a pas connu plus de succès ou qu'on s'en rappelle plus? Pourquoi est-ce que Monterey Pop, où il y a eu de grands musiciens qui ont été révélés là, on n'en parle pas autant? Il y a eu vraiment cette expression qui est née, qui est encore court, la génération Woodstock. Oui. Et je pense que ça tient à toute une série de paradoxes. Notamment, quand on y pense, c'est très drôle de se dire qu'il s'appelle le Festival de Woodstock. Il n'a jamais eu lieu à Woodstock. Il a eu lieu à une centaine de kilomètres de là. Au départ, il doit avoir lieu dans les environs de Woodstock parce que c'est là que Bob Dylan vit et les quatre jeunes producteurs. Il y a déjà quelque chose autour de Woodstock. Oui, c'est ça. Ils veulent faire quelque chose parce qu'ils adorent. Enfin, pas tous. Il y en a un qui adore Bob Dylan et donc ils décident qu'ils aimeraient ça le faire. Ça ne marche pas. Là, ils vont aller voir dans une autre ville qui les rejettent parce que les gens ne veulent pas qu'il y ait comme ça de jeunes hordes qui descendent. Et c'est là qu'est une chose fondamentale qu'on oublie parfois. On s'adresse aux jeunes New-Yorkais et on leur dit « Venez dans la nature, oubliez les feux rouges et les gratte-ciels pour vivre 3 jours de musique et de paix. Ouais. » Pour être dans la nature. Alors, ils cherchent absolument quelque chose. Et peu à peu, ils vont donc trouver à Bethel, une petite localité, des grands champs d'alfalfa. Et c'est là que va avoir lieu le Festival de Woodstock. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, ça demeure, je crois, le symbole de la contre-culture, de la grand-messe hippie. Ouais. Les quatre jeunes promoteurs veulent faire de l'argent. Ils sont quatre, dont John Roberts, qui est multimillionnaire. Lui, il vient d'une grande famille, vraiment d'héritier de la pharmacologie. Enfin, lui, ce qu'il veut, là, c'est faire de l'argent. Et il se dit, pourquoi pas, il y a là une génération qui est prête à payer pour consommer les produits qu'ils aiment. Mais il va complètement rater son coup. On y reviendra. Mais vraiment, ils vont perdre le contrôle complètement. Parce que ça va durer plus longtemps que ça devait durer. Il y aura énormément plus de monde qu'on ne l'avait prévu. Ça va être quoi, en fait, Woodstock? Juste un petit aperçu. D'abord, c'est officiellement du 15 au 18 août. Ça se passe. 32 groupes et solistes qui s'y produisent, dont Janis Joplin. How are you out there? Are you okay? You're not, yeah, you're staying stoned and you got enough water and you got a place to sleep and everything. What does that mean? You know, I mean, you don't have to go take anybody's shit, man, just to like music. You know what I mean? You don't. So, so if you're getting more shit than you deserve, you know what to do about it, man. You know, it's just music. Music's supposed to be different than that. I'll try just a little bit harder. Janis Joplin, ça donne le ton. Marie-Christine Blais s'amuse, évidemment, avec la foule. Mais elle, elle est sérieuse. Oui. Elle est sérieuse, ouais. D'ailleurs, parce qu'il y a un mot d'ordre très rapidement sur les lieux. Ne consommez pas l'acide brun. Ah bon? Parce qu'il y a vraiment des bad trips. Il y a carrément une tente qui va s'appeler le Freak Out Tent, où les cas de bad trips sont amenés parce qu'il y a du produit pas très, très bon. Ça va ressembler à quoi, concrètement, ces 3-4 jours? Donc, c'est dans des grands champs. Ça doit, en principe, se terminer le dimanche soir. Ça va finir le lundi matin parce qu'il y a trop de monde. Dès le mardi, il commence à avoir embouteillage sur la route qui mène à Bethel. Le jeudi, c'est sur à peu près 30 à 40 kilomètres qu'il y a un embouteillage. Les gens laissent carrément leur auto là. Ils commencent à marcher. Le vendredi, en principe, ça commence à 5 heures. Et à 8 heures, les clôtures qui encerclent les lieux sont jetées à terre. Oublie ça, les billets. Ouais. Oublie ça, la sécurité. Ce qui fait qu'ils ne font pas leurs frais, finalement, on y revient. Au départ, ils ne font pas leurs frais. Ils le feront, mais plus tard. Et ce qui arrive, c'est que même les groupes invités ne peuvent pas se rendre. Ils vont aller les chercher par hélicoptère. Dieu merci, les organisateurs ont eu l'idée d'engager des gens d'une commune de la Californie, les Hog Farmers, qui vont vraiment, qui sont des gars là, qui connaissent ça, pour prendre un petit peu de matériel illicite, et qui construisent une espèce de cuisine, enfin, qui vont gérer ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, on se rend compte que les Hog Farmers, qui étaient une quarantaine, mais qui étaient cool, ont été pour beaucoup dans le caractère pacifique de parce cet ça événement. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Même s'il y a trop de monde, sur le plan sanitaire, c'est épouvantable. Au pire, on attend 150 000 personnes. Il arrive 500 000 de personnes. Dès le vendredi, on manque d'eau. Dès le samedi, il n'y a plus de nourriture. Ouais. Alors, il faut demander aux communautés juives alentour d'amener des sandwichs. Enfin, c'est burlesque presque, on y pense avec le recul. Et en même temps, c'est sans doute ce qui fait la beauté de cet événement-là, c'est qu'il a lieu en dépit de tout. Quand il se met à pleuvoir, les gens restent. Alors, on a toutes ces images un peu d'Épinal dans la tête de gens pleins de boue. Le fameux couple qu'on voit qui se tient enroulé dans une couverture boueuse. En passant, ce couple existe toujours. Ces deux personnes se sont mariées et sont toujours ensemble. Bonne nouvelle pour tout le monde. Et donc, toutes ces images-là vont rester. J'ai lu en quelque part, et j'ai trouvé le parallèle tellement intéressant pour aujourd'hui. Quelqu'un disait, parce qu'il faisait très, très chaud, très humide, imaginez l'ouragan Katrina, mais avec Joe Cocker qui joue. Ben, c'est un peu ça, ce que ça a été. C'est un ouragan parce qu'après ça, ça a pris des semaines et des mois à simplement ramasser les poubelles. Et ce que vous venez de décrire, c'est pour ceux qui auront la chance, le bonheur et la joie de se rendre sur le site. Mais il y en a plein d'autres. Gilles Valiquette, qui ne se rendront même pas. Ouais. Parlez-nous de votre Woodstock. Non, mais on était là, nous autres. À 60 kilomètres. À quelques kilomètres, oui. Mais ce que j'allais dire, c'est que le concept du Festival Pop, on avait entendu parler de ça vaguement à l'été 67. Pourquoi vous choisissez celui-là, d'ailleurs? Il y en a plein de festivals. Oui, mais c'est justement ça. C'est que en 68, on a commencé à en voir un peu partout. Puis, justement, on n'en a pas eu au Québec, on n'en a pas eu au Canada. Puis, il y a eu un peu de frustration pour ceux là, que ça attirait. Alors, on s'était dit, en 69, là, cette année, on va en avoir un. Dans l'État de New York, qui n'est pas loin. Voilà, exactement. Mais on était 17 dans mon groupe. Oui. On s'est loué un camion Ryder jaune, puis on s'est empilé là-dedans avec nos sacs de couchage, puis on est parti. Mais moi, je me souviens très bien qu'on avait la liste des festivals de cet été-là. Mm-hmm. Puis, ce qui nous a fait choisir Woodstock, Woodstock, c'était la liste des artistes. Oui. Parce qu'on discutait ça entre nous autres. Il y en a qui voulaient voir tel artiste, d'autres voulaient voir tel autre artiste. Puis, deux semaines avant Woodstock, il y avait eu un festival à Atlantic City qui, eux, avait attiré 100 000 personnes ou quand même. Près. Oui. Ça fait qu'effectivement, on s'attendait à 100, 150 000 encore. Tout ça. Mais je pense que tout le monde s'est dit la même chose que mon groupe. Parce que, parce que quand on est arrivé là-bas, il y avait au moins 500 000 personnes sur le site, mais il y en avait deux fois plus qui rôdaient autour du site jusqu'à New York. Mais vous faisiez quoi? Ça a été quoi, votre Woodstock? Non, mais l'image est vraiment quelque chose. Tu sais, quand on voit les films de science-fiction, on voit les invasions de sauterelles, là, ça a l'air de ça. Ça a l'air de ça, mais c'est des entre guillemets, des hippies. Ouais. Les gens de la place à vapeur étaient cachés dans leur maison. Ils regardaient entre les rideaux. Là, ils ne savaient pas. Là, le problème qu'on avait, c'est qu'on avait beau arrêter dans des restaurants, il n'y avait plus rien à manger. On avait beau arrêter dans un garage, il n'y avait plus d'essence. Mm-hmm. Alors là, à un moment donné, c'était risqué. Puis là, ben, on nous a dit que le monde qui était proche de la scène, les autres ne pouvaient pas reculer. Alors, c'est pour ça les hélicoptères et tout ça. Puis une chance qu'il n'y a plus. Une fois de temps en temps. Parce que sinon, ça aurait pu être dramatique. Parce que c'est ça qui est extraordinaire. Il y a eu en tout et pour tout 3 morts. Oui. Et plus, bon, il y a eu un cas d'overdose, un cas de maladie, quelqu'un qui est mort d'une appendicite qui justement est resté bloqué sur le terrain et n'a pas pu être envoyé dans un hôpital. Et puis, le troisième cas est peut-être le plus triste. Mm-hmm. C'est un jeune homme qui était dans son sleeping bag. Il était un peu dans la boue, puis le tracteur a passé. Et puis, beaucoup de souvenirs des gens qui disent j'étais là. Vous avez l'humilité, l'honnêteté de dire j'ai pas pu y aller, mais il y en a plein qui étaient censés y être. Ce que j'aime dire là-dessus, tu sais, après le Woodstock, ils ont sorti l'album de Woodstock, album triple. Puis quand tu ouvres l'album, tu vois, c'est une photo qui est prise de la scène. Ouais. Puis là, tu vois là, du monde jusqu'à l'horizon. Alors, la joke interne, moi et mes amis, nous, on dit on est juste en arrière. On écoute un extrait de reportage de gens qui disent y avoir été pour de vrai, diffusé au téléjournal. Donc, au Montréal ce soir, en 1989, à l'occasion du 20e anniversaire de Woodstock, quelques témoignages de ce que ces gens qui y étaient retiennent de Woodstock. Je me souviens particulièrement de Santana. Santana serait passé au petit matin, ça n'aurait peut-être pas eu le même effet. Ce que je me souviens du fait que ça m'a marqué, c'était la qualité de partage au moment où Santana a fait son show. They shot you, Joe César. La seule chose que je me souviens, ça, j'ai entendu John Baez, cette voix cristalline qui perçait. Là, ça, c'était... Ouais, les frissons m'en passent, mais c'est bien, ouais, c'était beau. Ah, Jimi Hendrix. Moi, c'était Jimi Hendrix. J'étais bien content de voir les autres aussi. D'ailleurs, j'ai vu Jimi Hendrix à peu près ça de gros, là, tu sais, dans le fond. Je l'entendais très bien. Et puis, je l'ai pas manqué. Je voulais aller voir Jimi Hendrix. J'ai vu Joe Cocker, que j'ai beaucoup aimé. C'était riche musicalement, puis c'était riche en sentiments, je pense, dans ce temps-là. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how goodbye. Well, I need it, my buddy. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce mythique Woodstock, Marie-Christine Blais? Peut-être qu'on vient d'entendre, au fond, artistes qui étaient... Oui. Voilà. Mais aussi... Joe Cocker, qui est devenu une grande vedette ce jour-là. Mais je pense que ma question de départ, c'était pourquoi ce festival plutôt qu'un autre devient-il mythique? C'est pas tant pour la musique, je crois, c'est pour la foule. Et le film, le documentaire que Wahlberg va faire à propos de ce film, quand le film est tourné, d'ailleurs, l'assistant du réalisateur, c'est nul autre que Martin Scorsese, quand même, faut le dire, ils vont montrer énormément la foule. Donc, les gens vont avoir une image du festival. Les gens qui sont nus, les gens qui sont drogués, les gens qui sont dans la boue. Et c'est, d'ailleurs, c'est la volonté de l'équipe de réalisation de montrer les gens le peace and love, les fleurs dans les cheveux, la drogue, mais plutôt joyeuse. Mm-hmm. C'est le côté très, très décontracté de l'affaire. Au final, ça va avoir coûté 2,4 millions de dollars américains, cette affaire-là. Dieu merci, il y aura le documentaire. Dieu merci, il y aura les disques dont parle Gilles. Les produits dérivés. Les produits dérivés vont permettre aux organisateurs de faire leurs frais. Mais ce qui reste aussi, je pense, de cette période-là, c'est de ce festival-là, c'est que ça se passe très bien, mm-hmm. alors que tout est réuni pour que ce soit le chaos. Quelques mois plus tard, en décembre 69, il va avoir le festival d'Altamont. Et là, les Rolling Stones, enfin, je vous fais ça rapidement, ont l'idée d'engager les Hells Angels. La violence à partir de Woodstock va augmenter dans chacun des festivals qui va avoir lieu après ça. Et à Altamont, ça va vraiment culminer. Il y a littéralement un spectateur qui se fait poignarder. Il y a des gens qui sont tués. Il y a des tas et des tas et des tas de blessés, des blessés graves. À Woodstock, la plupart des gens sont blessés parce qu'ils ont des coupures en dessous des pieds, parce qu'ils marchent du pied sur des morceaux de vitre. Mais à Altamont, les gens ont peur pour leur peau. Et ça va mettre fin, je crois, à cette insouciance, cette légèreté qu'on associe à tout jamais pour les années 60. Mais on est en décembre 69 et là, on arrive dans les années 70. Voilà. Dernier tour de table, Christine Champagne, tous les trois. De quoi on aurait aussi pu parler dans cette émission en parlant des années 60 en musique? Marie-Christine Champagne. Des fois, j'ai l'impression que c'est peut-être, en tout cas pour parler des yéyés, une espèce de vision un peu unidimensionnelle. Mm-hmm. Puis que dans tout ça, finalement, quand on se met à chercher, à fouiller, c'est si vaste, en fait, les années 60. Il y avait tellement de choses qu'un Claude Nougaro pouvait côtoyer un groupe comme les Classels, qu'il se passe en même temps Woodstock. On découvre, je sais pas, je trouve que c'est merveilleusement rempli d'effervescence, là. C'est un état d'esprit, au c'est fond, un état d'esprit qui se déployait un peu partout. Ce monde-là se côtoyait, se parlait. Il y avait une influence, finalement. Gilles Valiquette, de quoi on aurait pu parler aussi dans cette émission? Expo 67. Oui, c'est vrai. C'était le en centre. Musique? C'était le centre du monde. Puis, incroyable, tous les spectacles qu'on a eus pendant ces six mois-là, ou à peu près. Presque tous les jours. Oui, pour quelqu'un, là, comme moi, j'avais 17, 18 ans, même pas 15 ans, 16 ans à l'époque, qui pouvait pas se payer trois spectacles en ligne. Ouais. J'avais mon passeport, j'allais à l'expo. J'ai vu parmi les meilleurs artistes au monde, puis dans toutes sortes de styles qui ne m'auraient jamais attiré plus. Alors, ça l'a vraiment ouvert mes horizons. Puis c'est quelque chose qui, à mon avis, qui nous manque, ça. Étudier Expo 67 sous la dimension musicale. Marie-Christine Blais. Robert Charlebois. Oui. Pour moi, Robert Charlebois représente au Québec exactement cette évolution. Quand il commence, c'est un chansonnier qui chante « Viens dans ma boulée » et qui va aller en Californie, va consommer un petit peu, va s'éclater totalement, va revenir de Californie complètement transformé et va sortir ce disque exceptionnel que moi j'appelle le disque Lindbergh. Mm-hmm. Il n'y a pas de titre, mais lui et Louis Forestier sortent cet album qui, encore aujourd'hui, est, à mon sens, un des plus grands albums jamais produits au Québec. Point barre. Marie-Christine Blais, Gilles Valiquette, Marie-Christine Champagne, merci infiniment de votre participation à l'émission. Merci. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. La charrue passe dans le ciel.